mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Votre casque. Marchand de biens, de Tariq Nouy. Alors, regardez autour de vous. C'est pas magnifique? Au cœur de la plus belle ville du monde, en plein dans un parc. C'est quand même du standing, là, non? C'est vrai que le cadre est plutôt joli. Joli? Joli, je dirais exceptionnel, oui. Exceptionnel, monsieur. Et qui est la personne assise là, sur le banc? Enfin, je croyais que je... C'est quelqu'un qui attend son tour pour la visite. Vous savez, vous n'êtes pas le seul sur l'affaire. Bon, voulez-vous que je vous fasse le tour du propriétaire, si je puis dire? Oui, avec plaisir. Mais s'il y a quelqu'un, ça voudrait dire qu'il va falloir que je me décide vite. Je ne vous cache pas que ça se vend comme des petits pains. C'est la mode. Le premier qui se décide l'emporte, c'est la loi du marché. Mais pour l'instant, je vous fais la visite. Alors déjà, il faut vous dire que tout est fait en bois imputrescible, traité à l'autoclave classe 4. Donc au niveau de la putréfaction, vous êtes tranquille. Là, vous voyez que la peinture est un peu écaillée, mais le prix en tient compte. Les pieds. Tenez, baissez-vous un peu pour mieux voir. Là, vous voyez les pieds? Oui, je vois. Ils sont un peu rouillés, non? Non, ce n'est pas de la rouille. Ça a la couleur de la rouille, mais ce n'est pas de la rouille. C'est le temps. Le temps? La patine du temps. C'est ce genre de détail qui fait la différence avec les autres bancs. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une superbe affaire, non? Je sais pas. J'hésite. Comme vous voulez, mais je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui attend pour faire une affaire. Vous m'aviez dit combien? Eh bien, 230 cm de long sur 85, ça fait dans les 1,95 m² fois 8 050 € le mètre carré sur Paris. Ça nous fait 15 697. Et ça peut encore monter. C'est pour habiter ou louer? En fait, ce serait pour loger ma grand-mère. Ah oui, on a de plus en plus d'achats pour des personnes âgées. C'est pour les pigeons. Donner à manger aux pigeons, ça les occupe. Ouais. Pour le coup, c'est parfait pour voir le temps passer et puis les saisons. C'est merveilleux, là, de voir les arbres changer de couleur et puis la neige qui recouvre tout ça. Mais justement, je m'inquiète du froid, quand même. Hein. Mais c'est constructible, vous savez. Il y en a un, là-bas, de banc. Vous voyez, là, au fond. Ah oui, là, oui, je vois. Ah bah dis donc, c'est un sacré banc. Hein. Il a été construit sur 6 étages. Il est loué à des étudiants, ils sont un peu bruyants le soir, mais ça se passe bien. Alors? Je sais pas, j'hésite encore. Faut pas hésiter quand une affaire se présente comme ça. Pour le prix, c'est rien. Et puis tiens, les WC sont à 10 mètres. C'est rien, 10 mètres. Et là-bas, vous avez la fontaine. Pour se laver, c'est quand même parfait. Elle est toujours en plein soleil. Et puis, je suis certain que si vous vous arrangez avec d'autres propriétaires pour créer un syndic, vous pourrez faire la pression sur la mairie pour qu'ils installent un porte-savon. Et là, levez la tête, qu'est-ce que vous voyez? Je vois le ciel. Vous dites le ciel, mais quand vous serez propriétaire, vous direz planétarium. Un planétarium comme ça, gratuit, dans Paris. Et puis là, le vendeur ambulant, le kiosque, les arbres, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas. À tout ce qu'il faut pour organiser des garden parties, comme à l'Élysée. Non mais imaginez un peu votre grand-mère à l'Élysée. C'est quand même autre chose que de l'imaginer les pieds dans la boue, en train de bêcher son lopin de terre en port d'autoroute. Et je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de demandes de touristes pour des locations à la journée, à l'heure même. C'est peut-être un moyen de rentabiliser l'achat quand votre grand-mère partira en vacances. Et vous voyez l'homme là-bas en uniforme? Le gardien du parc. Ah vous alors, le gardien du parc, mais non, c'est votre gardien. C'est lui qui s'occupe de la sécurité de votre bien. Et regardez comme il marche. La classe, non? C'est pas un vieux concierge tout rabougri qui traîne dans l'escalier ou qui dort dans sa loge. Hein. Regardez comme il scrute le moindre écart. Comme il sait être accueillant et ferme. C'est autre chose quand même. Je suis certain qu'il fait du tai chi pour être aussi calme et ferme à la fois. Alors? Il faut que je réfléchisse. On dirait quand même de la rouille sur le pied. Là. Vous êtes certain que... Vous pouvez me faire confiance. C'est de la patine, ça tiendra encore 200 ans, ces bancs. Increvable. Mmh. Il faut que j'en parle à ma grand-mère. Elle me dit toujours qu'elle en peut plus de vivre dans son 100 mètres carrés, que c'est trop grand pour une personne seule. C'est parfait pour elle, parfait. Elle ne risque pas de se perdre, au moins. Oui. Bah, c'est vrai que là, il n'y a pas de risque. J'ai les papiers. On va signer. Mais je vais quand même réfléchir, hein, un petit peu. Je vous rappelle ce soir. Ce soir, il sera peut-être trop tard. Bon, à ce soir, hein, on verra. Merci pour la visite. Au revoir. Bonjour, je suis Damien Machin, marchand de biens. Alors, on est là pour la visite du banc ? C'était Marchand de biens, de Tariq Nouhi, avec Mexianou Medenou et Igor Menjiski. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levaché et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.